dors, mon ange, papa veille sur toi. Maman est en bas. Oh non, je ne t'en veux pas de ta colère, car je sais qu'à 6 mois, on ne s'endort pas. Juste sur un claquement de doigts, je sais qu'on est mieux, mon ange, mon cœur dans les bras de papa. Un ange ici-bas, là, juste là, devant moi, a su enfin taire ses pleurs et je m'en vais tout bas. Oh putain, non, non, non! Bah oui, j'ai marché sur le jouet du gamin! Putain, mais range un peu, merde! Oh, tais-toi, toi! Mais tais-toi, petit con! Dors, dors, mon ange, allez, rendors-toi! Pensez pas ce que j'ai dit sous l'effet de la colère, mais ta maman, crois-moi, me gonfle parfois, car tout traîne ici-bas. Ce n'est pas une grande ménagère, voilà le résultat, c'est le bordel chez toi. Tous tes jolis jouets qui traînent par terre, mais que fait la DAS? Défoncer les jouets, moi, tu vas voir. Jamais il s'arrête là.